Un truc de fou, un truc de dingue. Un truc de psycho. Remonte par des pattes jusqu'au cerveau. Là, ton cerveau là, sauras-tu poser les armes? For you, for me, for all the family. New dawn, new day. Experiment. Experiment. Rhizomatic system with you, my friend, brothers and sisters. Thanks. about to make. And space continents about to make noise, about to make sound, about to share it. Thank you. Jan Tabasenia, le rouge. gagne le rouge dans la place avec. What a pleasure. Play with you. What? People able to make sound. Paul. About to make sound, about to make noise, about to share it. Because latest is out there. Along the way, au pied du Piémont, je vous écoute. S'organiser, ne plus avoir peur, ne plus attendre. Yeah. paradis. Comme gavé, un enfant gâté. Les deux pieds dans l'herbe à 4h du matin. Regardant les étoiles. My love, about to love again. Because we are the people. My love. Ça pourrait vivre. descendaient comme des bandits à la langue bien tendue. On les mettait à l'entrée des villes, les poètes, les écrivains, les penseurs, les pères humains qui avec nous vivaient. Deux pieds dans l'herbe à 4h du matin, comme Arthur Rimbaud, regardant les étoiles. Imaginant avec votre musique tout un monde extraordinaire. Pas c'est beau. Ailleurs. aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, je vais aller, aïe, je vais aller, aïe, je vais aïe, un autre bar, un autre, au-delà, peut-être pas l'infini quand même. Je sais pas, je demanderai quand même un peu d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. One, two, eight. Va. Envolée lyrique nécessaire parfois, car parfois il est temps de dire certaines choses que personne veut entendre. compliquée. C'est trop complexe. C'est multifactoriel. Ça va prendre du temps. Je crois que ça vaut. Bien, ouais. Ça vaut le coup d'essayer. De se poser un instant. Regardez. Dragon face, butterfly. Reste motivé, motivé, car demain sera un autre jour, sera là le paradis. Paradise, paradise. Fallait se justifier devant l'évidence de la catastrophe. Il y a ceux qui dénoncent, ceux qui restent quoi, ceux qui décident. Qui s'organise.